passez une très bonne soirée, un bon week-end. Organisez-vous pour demain à Bernay, les 18h. Tout de suite, un point d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Une peine de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, a été prononcée par la cour d'assises de la Corrèze à l'encontre de la mère de Serena, l'enfant dissimulé pendant 2 ans au monde, découverte en 2013 dans un coffre de voiture et objet de privation qui lui valent aujourd'hui des handicaps irréversibles. Un mandat de dépôt a été prononcé contre Rosa Maria da Cruz, qui a également été condamnée à un suivi socio-judiciaire de 5 ans avec injonction de soins. Rosa Maria da Cruz encourait jusqu'à 20 ans de réclusion. Des sociétés concessionnaires d'autoroutes ont appelé aujourd'hui leurs clients à différer ou éviter leur déplacement demain, jour de mobilisation des gilets jaunes, qui pourrait fortement perturber la circulation. 1500 actions vont être organisées partout en France. Blocage de péages de routes, de stations-service, distribution de tracts, opération escargot ou grève des PV pour plusieurs syndicats de police. On peut manifester, mais bloquer un pays n'est pas acceptable, a prévenu le chef du gouvernement, Édouard Philippe. Une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été requise aujourd'hui par la cour d'assises des Yvelines contre Michel Fourniret et Monique Olivier. Ils sont jugés pour l'assassinat crapuleux en 88 de la femme d'un ex-codétenu du tueur en série Farida Amish. Dans son réquisitoire, l'avocat général a estimé que Monique Olivier et Michel Fourniret, déjà condamnés à la perpétuité pour l'assassinat de cette femme, sont également coupables dans ce dossier. Un juge fédéral à Washington a ordonné à la Maison-Blanche de restaurer l'accréditation d'un journaliste de CNN qui avait été privé d'accès à la présidence des États-Unis après un échange houleux avec Donald Trump. Sa décision à effet temporaire est une victoire pour la chaîne d'information en continu et son journaliste vedette Jim Acosta, qui avait perdu le précieux sésame le 7 novembre après une conférence de presse tendue où il avait relancé avec insistance le président Trump qui refusait de répondre à une question sur sa politique migratoire. Enfin, ce n'est qu'un simple test match, mais rarement il y a eu autant de pression autour du 15 de France. Demain à Lille, l'équipe nationale joue en effet très gros face à l'Argentine à moins d'un an du mondial, après avoir été battue lors du premier test de la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud. L'Argentine ne réussit guère au 15 de France. Depuis l'an 2000, les deux nations se sont affrontées à 16 reprises et les Bleus se sont inclinés à 10 reprises. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Et dans les prochaines minutes, Bad Bunny featuring Drake avec Mia, mais tout de suite Daddy Yankee pour bouger son boule avec Doula. L'After School, l'After School d'Espace. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. No tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste.

School sur Espace avec Ludo. L'After School. L'After School. L'After School. L'After School. Take a picture of all my flaws, or you could take a video on your phone. And I know that I would talk, but I'm too afraid to pick you up and go on. I'm feeling dazed like a magazine, finding my sanity, wishing it'll all go away. Now I'm smoking out the balcony, telling me profanities, maybe it was never okay. 3, 4, 5's Wednesday, you told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and you told me not again. Now I gotta tell her that I love when I'm friends. 3, 4, 5's where we stayed. She told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love when I'm friends. www.espace.fm. Merci de nous écouter régulièrement désormais sur les box Orange, mais également sur les 6 fréquences régionales d'Espace. À l'instant, nous rompons avec un narcissiste. Avant 18h30, dans la catégorie des classiques dance, nous écouterons ça. Les classiques dance. Et il sera mixé avec un petit charade. Le son Funky Mix. Funky Mix. C'est un bon week-end. Tout de suite d'Orion, la sélection Espace. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, ça y est, c'est le week-end de vendredi 16 novembre et c'est reparti pour la dernière sélection Espace de la semaine avec ce soir à Rouen dès 18h à la librairie L'Armitière, la rencontre avec Thomas Biré-Verdi. Toujours à 18h, l'atelier Mao avec Loya, c'est à la bibliothèque Saint-Sever et ensuite les spectacles débutent dès 19h au Théâtre des Arts avec Pierre Guint, au centre André Malraux avec Monsieur Teuf et à 20h, Rancard au Théâtre à l'Ouest avec Thierry Hazard et son spectacle Les Affaires sont mes affaires à la Maison de l'université The Foham Artifact au théâtre de la Foudre Petit Quevilly, Faust sur scène au théâtre Charles Dullin de Grand Quevilly, c'est Juliette, et au 106 vous retrouvez à 20h30 Grand Blanc et Make Overs. Et enfin pour finir, Rancard ce dimanche du côté du Zénith de Rouen avec Big Flo et Oli pour leur nouvelle tournée. Et puis pour terminer, ce samedi 17 novembre du côté d'Honfleur, le spectacle Enfance et Partage à 19h avec en première partie la chorale Sac à dos et en seconde partie, l'école Studio Gym. Laissez-nous vos messages 0950 35 50 50. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire,

Funky Mix. Dans les voitures pour traverser la Seine à Pont-de-l'Arche. C'était Charade avec un Give Me The Funk. Et vous retrouverez tout à l'heure dès 21h Manu pour de nouveaux sets Funky Mix. Pour l'instant 18h30, tout de suite un nouveau point d'actu local et régional. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. On commence cette édition avec un drame de la route survenu ce matin vers 8h sur la route départementale 438 à hauteur d'un rond-point proche de Bourterouldes. Un homme d'une vingtaine d'années est décédé après avoir frontalement percuté un poids lourd. Les sapeurs-pompiers et un médecin du SMUR n'ont pu que constater le décès du jeune conducteur. Une enquête doit déterminer les circonstances de l'accident. Au Neubourg, les gilets jaunes n'ont pas attendu demain pour protester contre la hausse du prix des carburants. Hier, en début de soirée, une trentaine de personnes s'est réunie, toutes générations confondues, à proximité du rond-point de l'Envol pour ensuite mener une opération escargot entre les deux grandes surfaces de la commune. Les gilets jaunes ont réitéré ce vendredi depuis 17h. Des blocages sont prévus sur les axes traversant le Neubourg. Concernant l'opération escargot d'hier, un confrère de la chaîne parlementaire a tourné un sujet diffusé ce soir à 19h30 dans l'émission « Ça vous regarde ». Des politiques normands se sont prononcés d'ailleurs sur ce mouvement. Hervé Morin s'oppose à l'augmentation des taxes de l'État, mais ne veut pas baisser la taxe de 0,73 euros touchée par la région sur chaque hectolitre de carburant, un revenu nécessaire selon l'élu afin de financer la décentralisation avec des compétences comme les lycées ou les grands équipements. Hervé Morin compte rencontrer des gilets jaunes mobilisés près de son village d'Épeigne demain. D'autres appellent au blocage comme Sébastien Leclerc, député Les Républicains du Pays d'Auge. C'est aussi le cas des députés communistes Hubert Wulfranc et Jean-Paul Lecoq, respectivement élus dans les agglomérations de Rouen et du Havre. Et donc demain, contre la hausse du prix des carburants, plus de 70 blocages des gilets jaunes sont recensés dans l'Eure et en Seine-Maritime, surtout autour des grandes villes, des grands centres commerciaux, mais aussi des grands axes et des grands ponts. D'autres ne manifesteront pas, un reportage d'Éric Blau. Dans ce cadre, Alexis Fraisse, conseiller municipal Europe Écologie Les Verts à Louviers, comprend le mouvement, mais a choisi d'agir autrement en adoptant le vélo pour tous ses déplacements, y compris avec ses enfants. L'augmentation du prix des carburants, faut pas se voiler la face, elle est inévitable, puisqu'on a une ressource qui va finir par s'épuiser. On sent bien que tout le monde se dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'environnement, mais le changement de comportement est plus dur à faire que le changement de conscience. Moi, je suis pas passé du jour au lendemain de la voiture au vélo. Ça s'est fait en roulant de plus en plus à vélo. En m'apercevant au bout d'un moment que ma voiture, je m'en servais quasiment jamais. Effectivement, j'ai la chance d'habiter en ville. Mais les gens qui ont actuellement le choix, il faut qu'il se pose vraiment la question des déplacements. Si on veut habiter à la campagne, il faut savoir que ce mot de la mobilité, ça va poser des problèmes. Il va falloir trouver des solutions pas trop polluantes pour aller faire ses courses, pour aller travailler. Il y a des gens qui ont des problèmes de mobilité, qui ont forcément tout l'usage de leurs jambes, des personnes âgées qui sont pas en très bonne santé. Donc là, effectivement, on est obligé de garder la voiture. Il faut que les industriels aillent vers des voitures beaucoup plus légères, beaucoup plus petites, mais ça va se faire en très longtemps. Europe Écologie Les Verts demande notamment l'accompagnement des plus fragiles pendant la période de transition par des chèques énergie sur critères géographiques et sociaux. Enfin, en prévision de la mobilisation, la région Normandie a préféré suspendre la ligne de bus vert 39 entre Le Havre et Honfleur toute la journée en raison du passage du pont de Normandie qui pourrait être bloqué dès 8h. Toutes les autres lignes routières, notamment les lignes scolaires du samedi, sont maintenues, mais les temps de parcours ne sont pas garantis, tout comme les correspondances routières et ferroviaires. Pour conclure, une douzaine de membres et sympathisants d'Alliance Vita se sont réunis hier à Vernon à la pause déjeuner Place de Gaulle pour le lancement de la campagne nationale de l'association Touche pas à mon père qui souhaite lutter contre le projet de la ministre de la Santé qui vise à autoriser la PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Alice Delabrière, responsable du mouvement dans l'Eure, a pris la parole avec Papa Outé, la chanson de Stromae en fond sonore. Plusieurs autres actions de ce type sont prévues par les militants vernonnais dans les semaines à venir. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour ce samedi, Météo France prévoit du soleil sur l'ensemble de la Normandie, notamment le département de l'Eure, l'agglomération rouennaise et le Pays d'Auge, et ce du soir au matin. Côté température, le mercure indiquera au meilleur de la journée 8 degrés au Neubourg, à Rugles-Gisors, 9 degrés pour Évreux et Bernay, 10 à Rouen, Vernon, Cormeilles, 11 à Pont-Audemer. Très bonne soirée à tous sur Espace. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 9 degrés, indice Atmo Normandie 3 et 4, c'est plutôt pas mal en termes de qualité de l'air. On attaque cette nouvelle demi-heure avec Dimitri Vegas, Like Mike. 17h-19h. Espace. L'After School. Later, bitches. Prince Karma à l'instant dans l'After School en mode week-end. C'était Later Bitches sur la plus normande des Picard de Radio. Faites vos courses ce soir, faites votre plein également ce soir. Soyez, voilà, organisez-vous par rapport à l'opération citoyenne de demain avec des gilets jaunes que nous verrons de très très loin sous le soleil car il fera beau. Température prévue 7 à 8 degrés sur les deux régions. Donc plutôt en mode tranquille. 18h42, ne touchez à rien dans 3 minutes. Kaigo et Sandro Cavazza avec Happy Now sur Espace. C'est l'anniversaire au meuble Gréhaume. À cette occasion, un chéquier de 2100 euros vous sera remis dès votre arrivée en magasin, salon, séjour, literie, dressing. C'est jusqu'à 2100 euros de remise immédiate. Et tentez de gagner l'un des 53 casques JBL Bluetooth et l'une des 38 caisses de champagne. Jeu sans obligation d'achat. Mes jours anniversaires, c'est au meuble Gréhaume, RN31, à Gournay-en-Bray. Le géant du meuble, jour, nuit, déco, toutes les sources d'inspiration qu'il me faut. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous voulez connaître la valeur de votre bien ? Appartement, maison ou terrain ? L'Immobilière Normande vous offre une évaluation de votre bien. Alors n'hésitez plus et contactez l'une de nos 8 agences. Il y a forcément une agence L'Immobilière Normande près de chez vous. Numéro de téléphone 02 32 40 19 90.

Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, Tiago. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, je suis là pour le pire. Tiago, Tiago. Notre petit camarade Kenji Girard qui se balade dans la prog d'espace en début de week-end dans l'After School, c'était Tiago dans la catégorie des sons à l'ancienne que vous choisissez avant 19h. Nous écouterons ça. Ça avait très très grave cartonné. 18h54, la Proc Télé. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 16 novembre. Ce soir sur TF1, Pays-Bas-France, 5e journée de la Coupe de l'UEFA des Nations, 23h15, Esprit Criminel. C'est étonnant pour un vendredi soir, il n'y a pas Arthur. Pourquoi ? J'en sais rien. France 2, Mon frère bien-aimé, c'est une rediff d'un téléfilm français avec Michael Youn qui est juste exceptionnel dans ce rôle. Olivier Marchal est également de la petite sauterie, 22h40. Taratata 100% live, Nagui reçoit ce soir le groupe News, Gaëtan Russel ou encore Yael Naïm. Ça va une fois encore, envoyez le boulet. France 3, le tour du monde en chanson et c'est Mimi Dumas qui nous présente cette émission et avec sa coupe indigne de Diana Ross à l'époque des Supremes, elle est légitime capillairement parlant. 22h55, le divan de Marc-Olivier Fogiel, Claude Lelouch vient s'allonger près de lui. Canal, Star 80 la suite, il faut savoir s'arrêter les gars un moment. Hein. C'est comme la vérité si je mens, le 1 était top, le 2 pourri, le 3 encore pire. Et si on parle des visiteurs ou des bronzés, il y en avait franchement des certains pas bons. Arte, les vieux espions vous saluent bien. Un homme est enlevé avec ses collaborateurs dans une zone isolée, personne n'arrive à les retrouver. Un responsable décide de faire appel à un espion retraité de la RDA, le spécialiste de la zone, pour retrouver tous ces gens-là. Bon, eh, comme quoi, hein, comme dirait ma copine Bintou, c'est dans un vieux chaudron qu'on fait le meilleur mafé. M6 bulle toute la soirée avec des inédits en première partie de soirée et des rediffs en seconde. Le meilleur de la TNT, C8, Benjamin Castaldi est en prime, TPMP fait son bêtisier, il sera accompagné de la blonde Kelly Vedovelli. Alors je me suis toujours posé la question, à quoi elle sert dans l'émission hein. Elle fait croire qu'elle est DJ, hein, sauf que le matos n'est pas branché. Ou alors le seul truc hein, qui est branché, c'est son décolleté, hein, parce que franchement là, le matos, il est vraiment mis en avant. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Écoutez sur Espace les meilleurs souvenirs. Back in time. 19h d'Orient pour l'Afterwork, 21h les nouveaux sets Funky Mix. Tout ça c'est géré par Manu jusqu'à 23h et que vous retrouverez à plusieurs reprises également pendant le week-end. Espace et la première radio Soul Disco Funk de France. Voici OMD avec Enola Gay. Ciao, à dimanche 11h. Bonsoir tout le monde, bon week-end, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. C'est le vendredi 16 novembre, il est 19h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. 74% des Français interrogés jugent le mouvement des Gilets jaunes justifié, selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour le Figaro publié à la veille du mouvement. 1500 actions sont annoncées partout en France demain. En parallèle, l'Assemblée nationale a adopté cet après-midi l'une des mesures annoncées pour atténuer la hausse des prix de l'énergie. En 2020, les aides au transport mises en place par des collectivités seront exonérées d'impôts. Une peine de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, a été prononcée par la cour d'assises de la Corrèze à l'encontre de la mère de Serena, l'enfant dissimulé pendant 2 ans au monde, découverte en 2013 dans un coffre de voiture et objet de privation qui lui valent aujourd'hui des handicaps irréversibles. Un mandat de dépôt a été prononcé contre Rosa Maria da Cruz qui a également été condamnée à un suivi socio-judiciaire de 5 ans avec injonction de soins. Rosa Maria da Cruz encourait jusqu'à 20 ans de réclusion. Le verdict est attendu ce soir au procès de Michel Fourniret et son ex-compagne Monique Olivier. Une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été requise par la cour d'assises des Yvelines contre l'ex-compagne. Couple. Ils sont jugés pour l'assassinat crapuleux en 88 de la femme d'un ex-codétenu du tueur en série Farida Hamish. Dans son réquisitoire, l'avocat général a estimé que Monique Olivier et Michel Fourniret, déjà condamnés à la perpétuité pour l'assassinat de cette femme, sont également coupables dans ce dossier. Un eurosceptique chargé du Brexit. Le secrétaire d'État à la santé britannique Stephen Barclay a été nommé ministre du Brexit. Il remplace donc Dominic Raab qui a démissionné hier en raison de son désaccord avec le plan de sortie de l'Union européenne de Theresa May sous la menace d'une motion de censure de son propre parti conservateur. Theresa May a toutefois annoncé qu'elle allait mener en personne les dernières négociations avec Bruxelles. Enfin, dans le cadre de la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Nations, l'équipe de France se déplace à Rotterdam pour y affronter les Pays-Bas ce soir dès 20h45. Un match nul suffira à l'équipe de France pour accéder à la phase finale de la Ligue des Nations au mois de juin. Sur la plus normande des radios, Dorian. Ça y est, la semaine de travail est finie. Il ne reste qu'une chose à faire, se détendre dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Et justement, l'afterwork de ce vendredi soir commence avec Dan Balan, Numa Numa Tu. Belle soirée à tous. I'm all right. Oh, mama, yeah, I mix that waist with the rhythm with just her a cappella. Shout to the world, you know this for everyone.